Ainsi, le 20 juin 1642, du fond de sa cellule du donjon de Vincennes, l'abbé de Saint-Cyran, fondateur du mouvement spirituel qui se développe autour de Port-Royal, écrit à son ami Arnaud d'Andilly les lignes suivantes. « Vous ne pouvez plus douter, monsieur, que les villes et les cours ne soient les écueils des chrétiens. » Saint-Cyran, qui a été emprisonné sur ordre de Richelieu peu après que les premiers solitaires se sont retirés dans l'abbaye abandonnée de Port-Royal-des-Champs, Saint-Cyran donc estime qu'il importe de se prémunir contre les dangers que comporte le commerce du monde, particulièrement développé à la cour. Et il estime, je le cite, qu'il faut pour cela une séparation du monde qui soit toute spirituelle. Ces paroles sont bien représentatives de l'attitude subtile que Saint-Cyran et à sa suite le mouvement de Port-Royal adoptent face au monde. Le devoir du chrétien n'est pas nécessairement de s'en retirer. La sanctification y est possible dans tous les états et toutes les conditions, donc même à la cour, mais il faudrait vivre dans le monde comme en n'y étant pas. La cour, perçue comme un lieu de pouvoir, d'intrigue, de compromission, de jalousie et d'oisiveté, constitue évidemment dans ce contexte un endroit où le chemin du chrétien est particulièrement ardu et périlleux, et qu'il ne faut fréquenter que par nécessité. En dehors du confesseur du roi et de quelques prédicateurs, Port-Royal estime donc que la place du clergé n'est pas à la cour, ni dans la foule des courtisans, ni dans les cadres de la monarchie, ou, dit autrement, ni en tant que clerc de cour, ni en tant que clerc d'État. Pourtant, l'abbé de Saint-Cyran lui-même a, dans sa jeunesse, joué les ecclésiastiques mondains. En 1609, son protecteur Bertrand Deschaux, évêque de Bayonne et premier aumônier d'Henri IV, lui a fait rencontrer un groupe de courtisans. L'un d'eux l'engage à répondre à un curieux cas de conscience posé par le roi lui-même. Dans des circonstances exceptionnelles, est-il permis de se suicider pour sauver la vie de son roi ? Saint-Cyran monte une argumentation purement philosophique qui répond par l'affirmative, mais surtout bientôt imprimée sous le titre de « Question royale », ce cas d'école fait connaître son auteur à la cour. Quelques années plus tard, alors qu'il gravite dans l'entourage d'Henri de la Roche-Posay, évêque de Poitiers, Saint-Cyran prend la défense de ce dernier en publiant son apologie pour M. de la Roche-Posay, où il soutient le droit pour les ecclésiastiques de porter les armes en cas de nécessité. Cette publication lui vaut dans un premier temps un canonicat à Poitiers, puis l'abbaye de Saint-Cyran en Braine, ce qui laisse augurer d'une belle carrière mondaine pour ce jeune ecclésiastique qui paraît bien accommodant. Mais l'abbé commendateur, qui est introduit à la cour par son ami Arnaud d'Andilly et qui est devenu aumônier honoraire de Marie de Médicis, se détourne bientôt des faveurs du monde et au cours d'une évolution qui a toutes les caractéristiques d'une conversion, il va bientôt développer la piété austère et exigeante qui caractérisera le mouvement de Port-Royal. Je ne vais pas m'attarder sur ces épisodes bien connus. Simplement, je voudrais souligner que, devenu proche de Pierre de Bérulle, Saint-Cyran manifeste son attachement pour la discipline de l'Église primitive et pour l'enseignement des pères de l'Église. Et au point de vue ecclésiologique, il s'attache à la glorification de l'épiscopat et de l'ordre sacerdotal qui en émane, notamment à travers une série de textes qu'il publie en 1632 sous le pseudonyme de Petrus Aurelius et qui seront accueillis avec enthousiasme par l'Assemblée du clergé de France. Précisément, l'épiscopalisme et l'exaltation du sacerdoce développé par Saint-Cyran marqueront le mouvement port-royaliste. Par de nombreux aspects, les principes cyraniens rejoignent le vieux courant gallican, en particulier le gallicanisme épiscopal. Un certain nombre d'évêques, épris de réformes pastorales et soucieux de se détacher de la cour, vont se rattacher à ce mouvement spirituel. De manière frappante, la plupart d'entre eux avaient une origine sociologiquement commune, et plusieurs ont suivi un parcours personnel identique, marqué par une première période mondaine, suivie d'une rupture et d'un engagement spirituel intense. Donc, la plupart des évêques jansénistes provenaient de familles appartenant à la noblesse de robe. Aucun au XVIIe siècle ne provient de la noblesse d'épée. Ainsi, Nicolas Coart de Buzenval, qui fut évêque de Beauvais de 1652 à 1679, était le fils d'un ambassadeur d'Henri IV et avait été lui-même, avant d'être ordonné prêtre, conseiller au Parlement de Bretagne, conseiller au Grand Conseil et enfin maître des requêtes. Félix Vialard de Hers, évêque de Chalon-sur-Marne entre 1642 et 1680, était le fils d'un conseiller au Parlement. Le père d'Étienne de Caulet, évêque de Pamiers de 1645 à 1680, était président à Mortier au Parlement de Toulouse. Nicolas Pavillon, évêque d'Alais de 1639 à 1677, était le petit-fils d'un avocat au Parlement de Paris et le fils d'un correcteur à la Chambre des comptes. Enfin, Henri Arnaud, évêque d'Angers de 1650 à 1692, provenait d'une famille d'avocats au Parlement de Paris. Tous ces évêques sont donc issus d'une classe sociale constituée de serviteurs de la monarchie, mais ils ne chercheront pas à favoriser leur ascension sociale et celle de leur famille en briguant les charges et les bénéfices et en fréquentant la cour. Au contraire, ils s'en détacheront très nettement. Cependant, en digne fils de la robe, ces prélats se sont révélés être des administrateurs efficaces et scrupuleux. Ils se sont surtout attachés à exercer leur ministère dans le sens réformateur voulu par le Concile de Trente et incarné par les modèles de Charles Borromée et de François de Sales. Leur proximité avec Port-Royal donnera cependant au modèle borroméen et salésien qu'ils développent une inflexion particulière, inspirée par la conduite des pères et l'exemple de l'Église romaine. De l'Église primitive. Cette Église primitive constitue à leurs yeux l'âge d'or de l'Église, vers lequel doit tendre toute réforme. Comme le déclare Antoine Arnauld dans son célèbre ouvrage de la fréquente communion, je le cite, « L'intention du Concile de Trente a été de rétablir la discipline et la pureté ancienne en toutes choses, et non d'organiser une Église d'à présent. » Fin de citation. Pour les évêques jansénistes, Charles Borromée et François de Sales constituent les modèles les plus éminents et les plus récents de cette volonté épiscopale d'un retour à la pureté des origines, mais les pères demeurent leur référence absolue. Sans tenir le moindre compte du millénaire qui les en sépare, ils vont chercher à restaurer et leur esprit et leur pratique, donnant par là une coloration spécifique à la réforme tridentine dont ils participent. À l'opposé des évêques de cour, ils estiment que la résidence est un devoir et quitteront peu leur diocèse où ils effectuent de nombreuses visites paroissiales. Considérant que les richesses de l'Église constituent le patrimoine des pauvres, ils réduisent leur train de vie au strict nécessaire, offrant par là un saisissant contraste avec les pratiques de grands seigneurs cultivées par d'autres prélats, souvent issus de la vieille aristocratie. Il ne sera donc pas question pour eux ni de se comporter en évêque de cour, ni d'entretenir autour d'eux une petite cour ecclésiastique. Notons cependant que le rejet de tout signe extérieur de luxe ou de richesse n'exclut pas une certaine souplesse et n'empêchait pas certains prélats jansénistes de recevoir fort correctement des hôtes de marque, dans un souci à la fois politique et pastoral. Ainsi, au moment des temps troublés de la Fronde, Félix Vialard de Hers, évêque de Chalon, invitait à sa table les officiers des troupes stationnées dans la ville. Il reçut aussi Mazarin et sa suite, d'une manière si simple mais si élégante que le cardinal affirma par la suite, je cite, « qu'il n'aurait jamais cru qu'on pût joindre une si grande dévotion avec tant de politesse ». De ces prélats qui cultivent l'idéal du saint et qui rejettent tant l'image du héros de l'âge baroque que celle de l'homme de cour habile et policé, deux grandes figures se dégagent, qui ont marqué leur temps par leur action pastorale, leur réputation, mais aussi par leur longévité. Il s'agit d'Henri Arnaud et Nicolas Pavillon, qui incarnent la figure opposée à celle de l'évêque de cour. Henri Arnaud, frère du théologien Antoine Arnaud, frère également des mères Angélique et Agnès, abbesse et réformatrice de Port-Royal, était né en 1597. Il effectua des études de droit et entama une carrière d'avocat. Son père, cependant, le destinait à une carrière ecclésiastique et le fit tonsurer dès 1615. En 1621, sur les entremises de son frère Arnaud d'Andilly, qu'on retrouve périodiquement dans tout ce milieu, il devient le secrétaire du nonce apostolique en France et l'accompagne à Rome. Il recevra l'année suivante la commande de l'abbaye de Saint-Nicolas d'Angers en récompense des services rendus. Ordonné prêtre en 1624, Henri Arnaud est un abbé de cour, qui évolue un temps dans les coulisses du pouvoir. Mais sa carrière semble bientôt s'essouffler. Grâce à des appuis familiaux, il reçoit certes de nouveaux bénéfices, mais il voit le siège épiscopal de Toul lui échapper. En 1645, la chance lui sourit à nouveau. Mazarin le fait nommer conseiller d'État et l'envoie à Rome comme envoyé extraordinaire. Il revient en France en 1648, désormais assuré de la faveur royale grâce au succès de sa mission romaine. La récompense ne tarde guère. Le 30 janvier 1649, au lendemain même du décès de l'évêque d'Angers Claude de Rueil, Le brevet de nomination d'Henri Arnaud au siège épiscopal d'Angers est signé par le roi. Rien ne laisse deviner alors que le nouvel évêque, fidèle serviteur de la monarchie et dont la carrière a jusqu'alors été très politique, ne demeurera pas proche de la cour. Pourtant, selon les termes de son historiographe Jérôme Besoigne, au début du XVIIIe siècle, je cite, « Celui en qui nous n'avions vu jusqu'ici qu'un homme d'État, aussitôt après sa nomination à l'évêché, fut comme métamorphosé et devint tout ecclésiastique. » Fin de citation. En effet, Henri Arnaud, dès son retour d'Italie, avait entamé un processus qui ressemble à une conversion et avait commencé à faire retraite à l'abbaye de Port-Royal pour, je cite, « y vivre éloigné de la cour et uniquement occupé à servir Dieu ». Henri Arnaud n'attend pas même que ses bulles de confirmation lui soient arrivées pour se rendre à Angers. Il ne quittera plus son diocèse sa vie durant. L'abbé de Cour s'est effectivement transformé en un évêque réformateur exemplaire, dont l'action pastorale est caractérisée par sa durée, l'universalité de son champ d'application et son caractère évangélique. Visite diocésaine, amélioration de la formation des prêtres avec fondation d'un séminaire, appui à la réforme du clergé régulier, réforme du rituel, assistance aux pauvres. Henri Arnaud multiplie les initiatives et les interventions. Soucieux d'exercer ses prérogatives épiscopales dans leur plénitude, il rédige avec ses collègues Henri Barillon, évêque de Luçon, et Henri de Laval, évêque de La Rochelle, un catéchisme diocésain qui est connu sous le nom de catéchisme des trois Henri ou des trois évêques. Il mène également envers l'importante communauté protestante de son diocèse une politique à la fois pastorale et répressive, qui l'amènera d'ailleurs à accueillir sans broncher les violences liées à la révocation de l'édit de Nantes. Son engagement actif aux côtés de Port-Royal lui vaut certes des inimitiés, mais ses multiples actions jointes à une vie personnelle exemplaire en font bientôt une figure respectée, même si sa réputation n'arrivera jamais à la hauteur de celle de son collègue, l'évêque d'Alais. Ce dernier, Nicolas Pavillon, était également né en 1597, mais il n'a pas connu la tentation mondaine. Alors que selon les termes d'un familier de l'hôtel de Liancourt, que je cite, « la vocation de M. d'Angers et de M. de Beauvais paraît plus humaine », fin de citation, celle du futur évêque d'Alais s'est manifestée très tôt et paraît très inspirée. Pavillon étudie la théologie en Sorbonne et y est remarqué par Vincent de Paul, qu'il associe à l'œuvre des missions et en fait son assistant. Il est ordonné prêtre en 1627 et 10 ans plus tard, ses qualités de prédicateur attirent l'attention d'Arnaud d'Andilly qu'il révèle à la cour. Bientôt, le beau monde se presse à ses sermons et la duchesse d'Aiguillon, la nièce de Richelieu, le recommande à son oncle qui le fait nommer au siège épiscopal d'Alais, alors vacant. Pavillon, qui s'estime indigne de l'épiscopat, accepte sous la pression de Vincent de Paul et, dans l'attente de ses bulles de confirmation, fait retraite et se prépare à ses nouvelles tâches. C'est durant cette période que Louis XIII l'entend à son tour prêcher et lui aurait proposé l'évêché d'Auxerre, bien plus important, plus riche et plus prestigieux que celui d'Alais. Mais Pavillon aurait refusé, estimant qu'il appartient déjà tout entier au diocèse pour lequel il a été nommé. Arrivé à Alais en novembre 1639, Pavillon entame la réforme de son diocèse qu'il ne quittera pour ainsi dire plus. Aidé de prêtres de la mission et dans un premier temps aussi de jésuites, il instruit ses curés et ses fidèles, puis il institue un séminaire qu'il dirige personnellement. Il multiplie les visites paroissiales, visite les malades, institue des régentes pour promouvoir l'instruction religieuse des jeunes filles. Comme Henri Arnaud, il conçoit son rôle d'évêque de manière extensive, vraiment comme un évêque de l'Église primitive. Il entreprend ainsi de défendre les droits des habitants de son diocèse, en réclamant et en obtenant de haute lutte une répartition plus équitable des impôts, en dénonçant les exactions des soldats de passage et la corruption des officiers chargés d'indemniser les habitants chez lesquels les troupes sont logées. L'action vigoureuse de l'évêque engendre de multiples procès qui s'étaleront sur plus de 20 ans. En définitive, des commissaires royaux instruiront le dossier et donneront raison à l'évêque, qui, soucieux des prérogatives épiscopales, aurait cependant préféré que les choses soient réglées par un concile provincial. Par ses réformes pastorales, sa vie évangélique et ses combats en faveur des plus pauvres, Pavillon acquiert un prestige qui dépasse rapidement les frontières du Languedoc. Il devient un directeur de conscience réputé, l'abbé de Rancé le Vénère, le prince de Conti, qui a fait amende honorable auprès du roi après la fronde, a été nommé gouverneur du Languedoc, se convertit sous sa direction. Pavillon lui ordonne de payer ses dettes. une vraie horreur pour un seigneur d'ancien régime. Il lui ordonne aussi d'opérer des dédommagements pour un montant considérable dans les provinces éprouvées par les guerres civiles auxquelles il a pris part. Dès les années 1660, Pavillon a une réputation de perfection telle que ses correspondants n'hésitent pas à faire ce qu'on appelle le pèlerinage d'Alais pour le rencontrer. Afin de défendre la plénitude de son autorité épiscopale et l'indépendance du pouvoir spirituel, Pavillon s'engage aux côtés de Port-Royal dans une longue lutte autour de la signature du formulaire anti-janséniste. Après la conclusion de la paix de l'Église, en 1668-69, il ne craindra pas d'affronter le pouvoir royal lorsque Louis XIV décidera, à partir de 1673, d'étendre le droit de régal à l'ensemble des diocèses de France. Mais Pavillon mourra avant le dénouement de son ultime combat. Pour Port-Royal et ses sympathisants, les grands évêques jansénistes, tels Henri Arnaud, Nicolas Pavillon ou encore Étienne de Coolet que nous allons aborder, correspondent en tout point à la représentation qu'ils se font du bon évêque, tout opposé à l'évêque de Cour. Ces grandes figures sont d'ailleurs rapidement considérées comme des saints. Dès 1684, Madame de Sévigné, qui admirait la piété des jansénistes sans avoir rejoint leur rang, rapporte à sa fille sa rencontre avec l'évêque d'Angers. Je la cite. « J'ai dîné, comme vous savez, avec ce saint prélat. Sa sainteté et sa vigilance pastorale est une chose qui ne se peut comprendre. » À partir du début du XVIIIe siècle, au moment où le mouvement janséniste ressent le besoin de consigner sa propre mémoire, des biographies très marquées par le style et le vocabulaire hagiographique vont être consacrées aux grands évêques et les présentent comme des saints. Ainsi, l'historiographe et théologien Jérôme Besoigne rapporte que, lorsqu'en 1668, le roi envisagea de convoquer Pavillon pour lui faire accepter un accommodement sur la question du formulaire, voire pour le faire juger et destituer, le chancelier Michel Le Tellier serait intervenu pour le lui déconseiller dans les termes suivants. Je cite « Si votre majesté mande l'évêque d'Alais, elle peut compter qu'il ne partira qu'accompagné de tout ce qu'il y a de gens de bien et de considération dans son diocèse et aux environs, qui le regardent comme un saint. Que partout où il passera, on ira en foule lui demander sa bénédiction. Qu'il ne sera pas plus tôt arrivé à Orléans que tout Paris ira au-devant de lui. Chacun s'empressera de lui rendre service et il arrivera à la cour comme en triomphe. Comment osera-t-on alors penser sérieusement à faire le procès à un évêque ainsi canonisé par le peuple et infiniment respecté de tous les honnêtes gens? Qui osera dans ces circonstances être son accusateur? Qui osera être son juge ?» Fin de citation. L'image de l'autorité du monarque mise en échec par la réputation de sainteté de l'évêque est certes séduisante, mais est-elle véridique? Il semblerait plutôt qu'on assiste ici à la construction d'une légende hagiographique. Pavillon devient une figure christique qui rappelle l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem, qui est célébrée dans le temporal par le dimanche des Rameaux. Il en va de même du récit du décès de François de Caulet, évêque de Pamiers, mort en odeur de sainteté, à l'inverse de son métropolitain de Toulouse, Joseph Montpezat de Carbon, archevêque politique, qui semblait davantage prêt à être bien en cour à Rome et à Versailles qu'à défendre ses subordonnés et les droits de son Église. Je cite à nouveau Besoigne à ce sujet. « Il semble que la Providence ait voulu alors faire sentir la grande différence qu'il y avait entre deux hommes bien célèbres, le feu évêque de Pamiers et l'archevêque de Toulouse. » Au lieu que le saint évêque, après sa mort, exhalait une bonne odeur, quoiqu'il fût mort dans une violente diarrhée, qu'on ne lui eût point ôté les entrailles et qu'on ne lui eût point embaumé, celui-là, au contraire, donc l'archevêque de Toulouse, aussitôt après le dernier soupir, rendait une odeur si infecte qu'on osait s'approcher du cadavre et qu'on fût obligé de l'inhumer à la hâte pendant la nuit et sans cérémonie. Fin de citation. Au-delà de l'affirmation d'origine divine des vertus et des vices respectifs des deux prélats, dont la véracité paraît pour le moins sujette à caution, l'image est forte. L'évêque de cour est condamné, le bon évêque est sanctifié. Cette conception du bon évêque est par effet de miroir inversé celle du mauvais évêque, et l'évêque courtisan, l'évêque politique, l'évêque relâché dans ses mœurs et ses pratiques, a également été formulée dans plusieurs textes port-royalistes à portée plus théorique. Ainsi, dans une lettre publique du 9 août 1680, Antoine Arnaud, théologien et frère de l'évêque d'Angers, donc frère également des mères Angélique et Agnès, abbesse de Port-Royal, Antoine Arnaud donc dresse le portrait du bon évêque en l'espèce François de Caulet, qui, sans craindre de déplaire aux puissants, défend la justice et les droits de l'Église dans l'affaire de la Régale. Dans la foulée, Antoine Arnauld fustige l'attitude courtisane des prélats réunis lors de l'Assemblée du clergé de France, et en particulier celle de l'archevêque de Paris, Arlette Champvallon, qui ont délaissé la vérité et la justice par crainte de déplaire au roi, alors qu'il était de leur devoir de lui marquer combien ils faisaient fausse route. Au-delà de cet écrit de circonstance, la formulation la plus développée de l'épiscopalisme port-royaliste se trouve sous la plume de l'abbé Jacques-Joseph Duguay. Ce dernier, né en 1649 et mort en 1733, a été formé à l'oratoire, où il a également enseigné. En 1685, il quitte la congrégation pour éviter de devoir signer le formulaire anti-janséniste et se réfugie auprès d'Antoine Arnauld à Bruxelles. Puis il rentre à Paris, où il dirigera des dames de l'aristocratie et de la haute bourgeoisie et rédigera de nombreuses œuvres exégétiques, posant la base de la doctrine figuriste qui marquera le jansénisme du XVIIIe siècle. Reconnu pour l'ampleur de son érudition et pour la finesse de sa spiritualité dès la fin des années 1670, Duguay, qui est alors toujours membre de l'oratoire, entame en 1683 la rédaction d'un traité des devoirs d'un évêque, à la demande de Dominique Desclos de Méplé, un ancien président du Parlement de Pau, qui, après le décès de son épouse, est entré dans les ordres et a été nommé évêque de Lescar, près de Pau. Duguay laissera l'ouvrage inachevé, mais il en développera les idées 30 ans plus tard. En effet, en 1712-1713, Duguay va rédiger, à la demande de son ami l'abbé de Tamier, un traité d'éducation destiné au fils du duc de Savoie, Victor Amédée II. Cette institution d'un prince, restée inachevée mais publiée à plusieurs reprises à partir de 1739, comporte une volumineuse partie consacrée à la politique ecclésiastique, où Duguay développe son épiscopalisme. Je vais me limiter au portrait précis du bon évêque et à la critique du clergé de cour qui apparaissent nettement. Au bon évêque qui, je cite, est bien convaincu que l'épiscopat est un ministère d'humilité, de patience, de travail, de charité qui le soumet aux besoins de tous, Duguay oppose, je le cite toujours, le plus grand nombre des évêques qui craindraient de se dégrader, d'avilir leur dignité, s'ils n'enchérissaient sur les manières impérieuses et sur les marques extérieures de fierté et d'orgueil qui accompagnent quelquefois l'exercice de la puissance séculière. Fin de citation. C'est là, souligne Duguay, oublier que, je cite, on est chrétien pour soi, évêque pour les autres. Poursuivant son raisonnement, Duguay souligne combien le bon évêque vit dans une simplicité et un détachement tout évangélique et dénonce ceux pour lesquels l'épiscopat est un moyen de s'enrichir et de s'élever socialement. Ceux qui, pleins de vanité, se font construire des palais dignes des princes temporels où ils reçoivent fastueusement les autorités civiles. L'austère janséniste en conclut, je cite, « C'est une satisfaction bien vaine, mais bien digne d'un évêque mondain. » Il s'indigne. On se dispense de résider, de prêcher, de faire l'aumône, mais on ne croit pas pouvoir se dispenser de porter de l'or. Cette pompe peut convenir à des officiers du prince et à des gouverneurs, mais elle est indigne des ministres de Jésus-Christ. Fin de citation. Après avoir stigmatisé les mœurs des grands seigneurs d'une partie de l'épiscopat, Duguay en condamne l'opportunisme et l'ambition. Convaincu qu'un évêque ne s'appartient plus, mais doit se consacrer entièrement à son diocèse, il dénonce les translations d'évêques d'un siège à un autre, souvent motivées par le désir d'un bénéfice plus important ou d'une localisation plus proche de la cour. Duguay déconseille au prince de mettre fin à cette pratique, qui a notamment pour effet de tenir les évêques éloignés de leur diocèse. Je le cite, « Il est de l'intérêt du prince chrétien, ou plutôt de son devoir, de faciliter la résidence des évêques et de leur ôter tout prétexte de s'absenter de leurs églises en venant à la cour. Mais on peut l'assurer qu'il n'y réussira jamais s'il ne retranche toute espérance d'obtenir de lui une nouvelle place. Certes, le prince peut, comme il est juste, faire venir à sa cour quelque évêque pour savoir son sentiment dans une occasion importante, mais s'il veut éteindre toute ambition parmi eux, il doit laisser chacun à sa place. » Autrement, il se trouvera assiégé d'une infinité de prélats, plus assidus auprès de lui que les courtisans, plus flatteurs, plus insinuants, plus attentifs à découvrir son faible et plus habiles à se cacher. » Fin de citation. Non content de condamner sans ménagement les prélats qui fréquentent assidûment la cour, Duguay profite de son institution pour critiquer de manière indirecte les figures majeures du clergé de cour sous Louis XIII et Louis XIV, que sont les confesseurs du roi et les cardinaux ministres. Il commence par souligner le rôle important du confesseur du roi, qui, je cite, « doit avoir, outre la vertu et la connaissance de la religion, des talents pour la conduite de l'État ». Fin de citation. À ses yeux, le confesseur est à la fois conseiller de la conscience du prince, mais il est aussi son confident sur tous les aspects de sa vie et de son action. Duguay dresse bientôt le portrait peu flatteur du mauvais confesseur. Trop mondain, celui-ci n'a, je cite, comme le courtisan, que la seule intention de plaire. Fin de citation. Loin de détourner le prince des fausses valeurs, je le cite à nouveau, le confesseur se plaît dans la cour la plus magnifique, et plus elle est brillante, plus il se trouve honoré dans la place qu'il occupe. Fin de citation. Loin de chercher à modérer les défenses du prince par égard pour la misère du peuple, le mauvais confesseur s'en moque. Je cite à nouveau, « Les bâtiments, les jardins, les eaux, les beautés répandues avec profusion font l'objet de son admiration. » Fin de citation. Les confesseurs successifs du maître de Versailles paraissent visés. L'accusation se précise encore lorsque Duguay aborde la question du choix du confesseur. « Certes, c'est le mérite qui doit le déterminer, » nous dit Duguay, « mais il marque très nettement sa préférence pour un membre du clergé séculier qui, je cite, « ne reçoit de conseils ni d'ordres secrets d'un premier supérieur résidant hors du royaume. » Fin de citation. Et Duguay d'énumérer une foule d'inconvénients engendrés par le choix d'un confesseur appartenant à un ordre qui ne peut être que la compagnie de Jésus, même si celle-ci ne sera jamais nommément citée. Visiblement, Duguay ne pardonne pas le rôle que les confesseurs royaux jésuites de François Anna à Michel Le Tellier ont pu jouer dans la condamnation et la répression du jansénisme. Duguay entreprend également d'égratigner la mémoire des cardinaux ministres, mais prudent, il amène les choses en douceur. Il commence par fustiger pour sa faiblesse le prince qui confie le pouvoir, je cite, à un premier ministre qui dispose de tout, qui s'assujettit tous ses collègues, qui leur fait rendre compte mais ne le rend jamais, qui est le maître des emplois et des charges, qui est le seul canal des récompenses et qui est le principal arbitre de la guerre et de la paix. Fin de citation. Mais Duguay précise bientôt dans son discours différents éléments qui ne laissent guère de doute quant aux personnes qu'il vise. Je le cite à nouveau, « Deux premiers ministres de suite peuvent disposer l'État de grands changements. Et quand ils ne porteraient pas l'ambition jusqu'à vouloir usurper un trône qu'on leur laisse comme vacant, il n'est presque pas possible que leur domination ne cause beaucoup de troubles dans l'État, par des factions et des partis, que le murmure et la jalousie excitent, et que la faiblesse du prince, autant que l'excessive autorité du premier ministre, fait naître. » Fin de citation. Par une de ces ironies dont l'histoire a le secret, il s'est fait que l'institution où Duguay dénonçait des premiers ministres qui ressemblaient à s'y méprendre aux cardinaux Richelieu et Mazarin, il se fait donc que cette institution rédigée en 1712-1713, donc « In tempore non suspecto », cette institution a été publiée de manière posthume en 1739 et 1740, au moment même où un cardinal ministre gouvernait à nouveau la France. Saint-Simon nous rapporte que l'institution fut, je cite, « à l'instant défendue, pourchassée et traitée comme les ouvrages les plus pernicieux ». Fin de citation. De son côté, le marquis d'Argenson, qui a visiblement décidé de surpasser le grand mémorialiste en termes de mauvaise langue, prend un plaisir sensible à noter que, je cite, « le cardinal de Fleury a le front de défendre ce livre et d'en rechercher les exemplaires avec un soin qu'on ne prendrait pas pour Spinoza ». Il en reçoit l'affront que tout le monde dit, que c'est à cause d'un certain chapitre qui traite de la honte qu'il y a pour un prince de se donner en premier ministre. Ce chapitre est fort excellent. Le cardinal y trouve partout son portrait tyrannique. Fin de citation. Interdite en France, l'institution sera également mise à l'index en 1742. Serait-il malicieux de lire dans ces condamnations tardives l'ultime vengeance d'un clergé de cour envers un Port-Royal qui en avait, pendant près d'un siècle, dressé un bien sévère tableau? Je vous remercie.